Dès que l'horizon se baigne dans les flots bleus de l'océan, j'aperçois son visage fleurir au reflet du rivage. L'eau déjà fraîche pénètre lentement la beauté éternelle de son image. Certains pétales qui gracieusement parcourent le ciel se détachent de leur corolle et forment alors un immense voile recouvrant la colère obscure de l'azur. Il demeure là, et son corps sillonne la vallée où des oiseaux viennent parfumer le romantisme lyrique de sa voix. Ses cheveux, dont la douceur se dérobe aux vents effrayés, semblent avoir été brodés par un joli papillon. Et je demeure étonnée par l'éclat de sa présence et le doux refrain que ses yeux m'inspirent. Il livre son empreinte délicate comme une caresse aux premières rosées printanières. Pur et innocent, je le découvre enfin.